Chapitre 7e. Toute la colère de Madame Roger était tombée quand son mari revint du cimetière. Du reste, si quelque rancune mauvaise eût subsisté dans son cœur, comment aurait-elle pu tenir devant le désolant spectacle de ce pauvre homme courbé, plié, vieilli, épuisé par la fatigue et le deuil, qui traînait après lui sans la regarder, sans lui rien dire, la petite orpheline effarée. Trempée par la pluie, qui les avait pris en route, les yeux gonflés et rouges, les traits tirés, ils formaient ensemble un de ces groupes dont s'inspirent les peintres de genres sentimentaux qui tirent des larmes aux gens. En retrouvant l'appartement, Claire se mit à pleurer, reprise par l'influence affligeante des choses familières, retrouvant soudain, dans son acuité, la cruelle sensation de solitude qu'elle avait un peu oubliée en route, grâce aux distractions du chemin ou bercée par le bruit monotone de la voiture mortuaire qui roulait devant elle. Les larmes de l'enfant firent couler de nouveau celles du père. Il s'était laissé tomber dans un fauteuil. Il regardait devant lui avec l'inquiète fixité de ceux qui souffrent beaucoup. Pourtant, au bout d'un instant, remarquant que sa femme essuyait la petite et se préparait à la changer de vêtements, il fit effort pour s'occuper d'elle. « Tu vas mieux ?» lui demanda-t-il. Elle répondit doucement « Oui, mon bon ami. » C'était la première fois, depuis 2 jours, qu'elle l'appelait ainsi. Et elle pensait qu'à son tour elle le trompait, qu'elle n'avait point été souffrante, que le pauvre homme, abattu et confiant, ne se doutait point de son secret surpris. Affectueuse, elle reprit « Et toi, tu es bien fatigué ?» Il soupira « Oh oui, et bien triste ?» Il lui jeta un regard inquiet, craignant que cette question ne cachât un soupçon. Puis, rassuré par son air placide, il murmura « Oui ». Alors, ayant compris sa crainte, elle le rassura, délicate. « C'est bien naturel, » dit-elle. « Nous étions beaucoup attachés à Madame Audry. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Moi aussi, je la regrette. » Elle se faisait violence, mais personne ne s'en fut douté, tant elle restait pareille à elle-même. Elle continua, en jetant un regard à Claire, qui venait de passer sa robe. « Et puis, comment ne pas s'affliger devant un tel malheur? Il faudrait un cœur de pierre. » L'enfant semblait écouter. Monsieur Roger mit son doigt sur sa bouche. « Chut !» Ils se turent un instant. « Oh, Claire !» reprit Madame Roger. « Tu t'es habillée, toute seule, comme une grande fille. Voyons, maintenant, as-tu faim? As-tu soif? Oh, soif, pauvre petite !» Madame Roger lui prépara un verre de sirop que l'enfant avala à grande gorgée. Puis, se retournant vers son mari, « Et toi ? Moi, merci, je n'ai besoin de rien. Tu devrais prendre quelque chose, pourtant. Le déjeuner est prêt depuis longtemps. Ne veux-tu pas venir à table ?»« Si. » Il se leva lentement en étirant ses membres là. Ils prirent leur repas en face l'un de l'autre, sans plus rien dire, en êtres qui accomplissent machinalement une fonction nécessaire à laquelle ils n'apportent aucun intérêt. Madame Roger servait Claire. Monsieur Roger filait sa viande sur une assiette ou faisait des boulettes avec la mie de son pain. Le reste de la journée se passa presque silencieusement, chacun des deux époux poursuivant les absorbantes réflexions qu'il ne pouvait communiquer à l'autre. Et d'autres journées commencèrent, également mornes, indifférentes. D'un accord tacite, ils évitaient de toucher au seul sujet qu'ils eussent à cœur sur lequel leurs pensées, sans le savoir, se croisaient sans cesse. Madame Roger, avec son indolente activité, vaquait à ses soins de maîtresse de maison, ayant d'ailleurs repris cet air calme de bienveillance, de calme, de sérénité qui la rendait si confortable et faisait d'elle un de ces êtres passifs et charmants qui semblent passer à travers la vie sans en subir les atteintes, pareils aux bons animaux qu'une fourrure immaculée préserve du froid. Monsieur Roger s'efforçait de s'occuper, visitait ses appartements, discutait avec les maîtres d'État, commandait des réparations avec une magnificence dont ses locataires étaient tout surpris. Mais en déployant cette activité inaccoutumée, il restait abattu, lassé. Son expression et ses attitudes semblaient dire « Que m'importe ce que je fais, l'argent que je dépense, les objections de l'architecte, les remerciements des locataires, je ne pense qu'à mon chagrin. Vous pouvez parler, allez venir, vous tous, tant que vous êtes, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. » Quant à Claire, avec la mobilité de son âge, avec aussi ce besoin de vie heureuse et exubérante qu'ont les enfants sains, elle se retrouvait elle-même, elle oubliait. Elle avait, de temps en temps, des éclats de gaieté qui vibraient étrangement dans la tristesse ambiante. Parfois même, elle essayait de consoler ses amis d'une caresse de ses petites mains. Pourtant, elle avait changé elle aussi. Son rire ne sonnait plus si clair. Il dormait au fond de ses grands yeux une ombre, quelque chose comme une mélancolie précoce, latente et refoulée, qui voudrait pleurer sans savoir pourquoi. Elle avait de longs silences méditatifs où, assise sur ce tabouret brodé qu'elle affectionnait, elle remuait, dans son petit cerveau, d'étranges pensées dont les ombres passaient sur son front, qu'elle plissait alors d'un mouvement particulier, d'un froncement grave, qui, changeant d'une minute à l'autre l'expression de sa physionomie, lui donnait tout à coup l'air réfléchi d'une jolie petite vieille. Un instant après, avec le geste d'une personne qui chasse un souci ou prend une résolution, elle se levait de son tabouret pour s'empresser autour de ses amis avec de gentilles prévenances. C'était, par exemple, pour ramasser une pelote de fil que Madame Roger venait de laisser tomber en disant « Oh, tante, tante, ton fil tombe toujours !» Ou c'était pour donner à Monsieur Roger, qui rentrait, ses pantoufles et son bonnet grec, ou bien pour lui apporter après le repas sa pipe et ses allumettes. Très tendre pour elle, d'une tendresse démonstrative qui contrastait avec son caractère froid et réservé, Monsieur Roger la remercia alors comme d'un grand service. Souvent, il la prenait sur ses genoux, la faisait sauter ou la caressait doucement, avec des larmes dans les yeux, et quand ils étaient seuls ensemble, ils parlaient de la morte en baissant la voix. « J'espère que tu penses souvent à ta pauvre maman, Claire. Oh oui, elle était si bonne, elle t'aimait tant. » L'enfant se serrait contre lui. « Je prie pour elle tous les soirs. Et tous les matins aussi. Il ne faut jamais l'oublier, n'est-ce pas ?» Claire plissait son front, ouvrait tout grand ses yeux et affirmait. « Oh, je pense à elle toujours, toujours. » Elle exagérait un peu, sans doute. Au cours de la journée, mille détails la distrayaient, l'amusaient, l'égayaient. Mais sur le moment, elle disait vrai. Un jour, à la fin du petit colloque habituel, M. Roger lui dit « Nous irons au cimetière aujourd'hui, veux-tu » L'enfant ne comprit pas tout de suite. Il expliqua « Oui, pour porter les fleurs sur la tombe de ta mère. Tu as bien vu qu'il y en a sur les autres tombes, n'est-ce pas ?» Claire s'écria presque gaiement « Nous irons, nous irons !» Puis tout à coup sérieuse « Est-ce que maman les verra ?»« Sans doute, et elle verra que sa petite fille ne l'oublie pas. Pauvre maman !» Madame Roger rentrait en ce moment dans la chambre. Elle était toujours un peu gênée, quand elle surprenait les effusions de son mari, comme si elle eût troublé l'affection d'êtres pour lesquels elle ne comptait que comme une étrangère. « Qu'est-ce que tu lui dis ? » demanda-t-elle en tâchant de sourire. « Je lui propose de venir au cimetière avec moi. Abila, veux-tu ? » « Volontiers. Tu as raison, il faut qu'elle pense à sa mère. » Un moment après, elle ouvrait ses rideaux pour les voir partir. Ils étaient en deuil tous les deux, et si unis. Si intime. Décidément, ils se ressemblaient. La petite avait des mouvements qui rappelaient ceux de son père. Rien qu'à les voir ainsi, lui, diminuant son long pas, elle, précipitant les siens, on devinait le solide lien qui les unissait l'un à l'autre. « Tout le monde doit s'en apercevoir, » se dit-elle. Cette idée réveilla un instant la blessure assoupie de son amour-propre, mais ce fut la dernière fois. Ses dernières rancunes s'étaient apaisées. Un grand besoin de complète indulgence montait en elle. Une tendresse infinie la pitoyait sur la morte et sur les vivants. Comme elle rêvait en attendant leur retour, une pensée lui vint qu'elle n'avait pas encore eue, aucune entente n'ayant réglé leur arrangement de vie. Son mari devait être souvent inquiet en songeant à l'avenir. Il fallait s'expliquer, non pas sur la veille, bien entendu, mais sur le lendemain. Pourquoi tarder davantage? Nous ne savons guère ce qui nous attend. Et Claire seule avait devant elle de longues années, dont il était prudent de lui ménager la douceur. Aussi, le soir même, après avoir bordé le lit de la petite, et comme elle faisait maintenant, elle ouvrit l'entretien avec sa tranquille franchise. « Eh bien, mon ami, » dit-elle à M. Roger, qui fumait sa pipe à petite bouffée, les yeux fixés dans le vague sur ses souvenirs, « as-tu réfléchi à ce que nous allons faire? Est-ce que nous gardons Claire ?» M. Roger tressaillit. Il n'était guère sûr de ne point s'être trahi. Il tremblait de voir un jour sa femme se dresser contre lui en ennemi. Tiré brusquement de sa rêverie, il se demanda si leur crainte avait sonné, et se mettant d'instinct sur la défensive, « Comment, s'écria-t-il, aurais-tu le courage de la mettre à la porte ?» Elle lui lança un bon regard compatissant, attristée pourtant par le chagrin d'être si mal comprise. « Oh non, » fit-elle, « certainement pas. » À demi rassuré, il reprit plus doucement, « Eh bien, « que veux-tu que nous fassions? Elle n'a personne au monde, n'est-ce pas? Nous la garderons, nous l'élèverons. » Madame Roger sourit. « C'est bien ce que je pensais, » dit-elle. « Seulement, tu comprends? Je voulais en être sûre avant de m'attacher davantage. Et puis j'ai une autre idée. si nous l'adoptions, tu n'y as jamais songé, toi. » Des larmes montèrent aux yeux de M. Roger. « Oh, que tu es bonne » s'écria-t-il, « que tu es bonne !» Il ne put dire autre chose. « Meilleur encore que tu ne le crois, » songeait Madame Roger. « Comme cela, » continua-t-elle, « elle sera tout à fait notre fille. » Il lui serra la main, silencieusement. Hélas, il aurait eu tant de choses à lui dire, et il ne pouvait pas. Et toujours, entre trois, gênant leur tendresse, il y aurait ce secret qu'il devait garder, ce fatal secret du passé dont le poids, malgré leurs efforts, malgré leur bonté, pèserait à jamais sur eux. Ainsi s'achève Le dernier secret par Édouard Rode.